le créneau de dépassement commence au panneau. Réponse A. Commence à 400 mètres. Réponse B. S'étend sur 400 mètres. Réponse C.